Pourquoi sauver le patrimoine minier en Normandie? Depuis 1999, chaque année au mois de septembre, se déroulent les Journées européennes du patrimoine. On reproche parfois à ces pratiques mémorielles d'alimenter les discours identitaires que tiennent les conservateurs pour présenter l'Europe comme une forteresse assiégée par des hordes de migrants venus des autres continents. Pourtant, la question du patrimoine est aussi une revendication culturelle défendue par celles et ceux qui ont le sentiment d'avoir été des laissés pour compte de notre histoire. Depuis une trentaine d'années, un grand nombre d'associations locales sont apparues dans toute la France pour rappeler aux élites que notre patrimoine national ne se limitait pas aux châteaux ou aux monuments, mais qu'il devait englober le monde du travail et des travailleurs. La crise de la grande industrie a laissé de multiples traces d'un passé en partie révolu. C'est le cas des mines, qui sont presque toutes fermées aujourd'hui, alors que leur exploitation a assuré pendant longtemps la prospérité de notre économie. La France a été l'un des premiers producteurs mondiaux de minerais de fer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Bien que 90% de ce minerai provenait du bassin lorrain, la Normandie a également contribué au développement de cette richesse. Si vous prenez l'autoroute pour aller de Rouen jusqu'au Mans, vous passerez à côté de petits villages de l'Orne comme Saint-Nicolas-des-Laitiers ou la Trinité-des-Laitiers. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette région associeront immédiatement ces noms de lieux avec des images du territoire normand, de son lait et de ses fromages. C'est un bon exemple pour comprendre comment se fabrique un stéréotype quand l'image dominante d'une région, d'un groupe ou d'une personne s'impose comme une généralité. En effet, le mot « laitier » ne désigne pas seulement les producteurs ou les distributeurs de lait. C'est aussi un vieux mot du vocabulaire de la métallurgie pour nommer les scories qui se forment au cours de la fusion du métal. Même si la sidérurgie n'existe plus depuis longtemps dans cette partie de l'Orne, le nom de ces villages est un témoignage des époques anciennes où l'on exploitait le minerai superficiel et le bois des forêts pour fabriquer du fer. À la fin du XIXe siècle, la découverte de nouveaux gisements ferrifères a relancé l'extraction minière, principalement dans le Calvados. Comme en Lorraine, après un siècle de bons et loyaux services, ces mines ont été fermées les unes après les autres. Des historiens locaux, réunis au sein de l'association Le Savoir et le Fer, se sont alors mobilisés pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine lié à l'histoire des forges et des mines de fer du bocage ornais. Leur but était non seulement de rappeler l'importance de cette activité industrielle, mais aussi de rappeler le rôle essentiel qu'a joué l'immigration dans l'histoire locale. Dans les années 60, sur les 3000 habitants que comptait la commune minière de Potigny, 2000 étaient d'origine polonaise, ce qui lui a valu le surnom de « Petite Varsovie ». Cet exemple montre que la valorisation du patrimoine peut être aussi un moyen de mettre en valeur la diversité des communautés qui ont fait la France et qui la font encore aujourd'hui.